بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الحادي عشر 11 leçon. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما يبقى علينا اليوم بعد تمرينات من الدرس الرابع، يعني الذي فيه قصة الرجل مع الكلب الوفي، فوجدوا استقوى له كم جرسيس دجا الثاني الأول. طيب، يقول أجيب عن الأسئلة التالية: لماذا ترك الرجل الكلب يحرس ابنه؟ Pourquoi est-ce que l'homme a laissé le chien garder son fils? لأن الولد نائم. أقد. بالنسبة للجملة أو بالنسبة للقصة؟ قصة. يعني الولد النائم يحتاج للكلب يحرسه. Parce que j'avais compris. لا، لأن الرجل غاب، خرج من البيت وترك الولد وحده. ليس فقط النوم. Parce que l'homme il a quitté la maison ce jour-là. Ouais. L'enfant était tout seul. C'est pour ça qu'il laissait le chien qui le surveille. Parce qu'il n'y avait personne avec l'enfant. Ouais. C'est parce que l'enfant il dort. C'est que l'enfant était tout seul. Ah, ah, ah, si il faut mettre un chien à chaque enfant qui dort. Mm. C'est ça le truc. C'est qu'il dormait et que l'homme il est sorti de la maison. Il ne pouvait pas laisser tout seul. لأن الرجل ترك خرج من البيت وترك الولد وحده ينام. هذا المعنى. لأن الرجل ترك الولد خرج من البيت ذات يوم وترك الولد وحده ينام. ترك الولد وحده ينام. ثانيا، لماذا فقد الرجل الثواب عندما رأى الكلب؟ Parce que l'homme a perdu la raison lorsqu'il a vu le chien. لأن أبصر الرجل فم الكلب ملطخا بالدماء. طيب، مزيد. هذا فقط. هذا نطفه هذا. وأنا ظن أن الكلب افترس ولده. C'est pas juste le sens, c'est qu'il a pensé. Ce sang était un indice qui lui a fait penser que le chien s'est attaqué, avait attaqué son fils. Que le sang se sent son fils, en fait. Thalithan, limadha zaharat dima'u ala fam al-kalb? Pourquoi est-ce que le sang était apparent sur la bouche du chien? Lian al-kalba iftarasa ala al-thuban. Non. Parce que le chien a attaqué le serpent. Rabian, كان الكلب مسرورا فكيف عرفت ذلك? Le chien était content. Donc comment as-tu cela? As-tu su cela? Il يتحرك كثيرا. من علامته من علامات سروره. سروره أن يتحرك كثيرا. يعني يحرك ذيلا. بوشتكو كم تدي كم تدي لك ذيل ذل يألم شهر ذيلون خامسا حزن الرجل وصمت فما سبب حزنه وصمته que l'homme a été triste et s'est tu quelle fut la cause de cette tristesse et de ce silence لما رجل أبصر ثعبان ظل على الخطأ وندم نعم سادسا بماذا تصف عمل الرجل comment décris-tu l'acte de l'homme وهو متصل باستعجال تصيف عمله بالاستعجال كيف بوزيبيتي نعم يعني خطأ سابعا اذكر عنوانا من عندك لهذه القصة cite un titre de toi-même à cette histoire j'écris Al-Hadar Ali Tassriya Al-Hadar Ali Tassriya Al-Hadar ou Ali Stirjal Stirjal c'est l'humour Ali je précise احيانا الاستعجال مطلوب فخص خصبيتي فعلى شوز نعم في المطلوب في الامور الثاني املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمات المناسبات من الكلمات التالية pose dans les trous là les mots qui correspondent. Ikra, il a bidaya le nihaya. Il est du début à la fin. Mais j'espère qu'il faut les phrases n'arrivent pas à mettre dans le fond. Voilà. Fait akhil al qissam wa jadto. Khalas, il fait le fait. Ikra le zikatabta, thumma, tchala sananzur. كان الفلاح يحرس المزرعة مزرعة واصل جديتو اللي تسكت تيكري عندما ذهب إليه رجل معه هو معه جبت هو رجل هو معه ومعه أسرته لقضاء البعض لقضاء البعض الوقت في التنزه ما معنى التنزه بقمنات ترك الرجل طفله يجري ويلعب وبعد قليل ماذا وبعد قليل تقدم ايش تقدم الطفل ونحو أبيها نحو أبيها نحو أبيه ويده نعم أربعة ملطخة بالزيت وحمل رجل طفله أسرع وأسرع به ليغسل له يده ولكنه لا يشبطه وكذلك رأى عندما رأى البطخوي ماذا؟ لما رأى ماذا؟ لكن إذا بدأت لكنه مش بدخل وعندما رأى ما جويبا وصفت يتحرك أمامه فنادى فلاح لو زيزي بابو فنادى الفلاح من الولد مي با دون فنادى الفلاح Je ne croyais pas quelque chose qui... Je ne croyais pas trop. Après, j'ai fait... Fas la hilay bi'asa wa ahwaha ala thurban. Faqatalahu wa aada après la jérami peut-être c'est le farah Bishr ou Ada Bishr le farah de Jamia. Donc c'est Kanal Farah comme Kulta Yahrous El Maslaa, le président, le paysan surveillait le champ. وعندما ذهب إليه رجل ومعه أسرته لقضاء بعض الوقت في التنزه ترك رجل طفله يجري ويلعب. Lorsqu'un homme est venu avec sa famille afin de pouvoir faire une promenade, l'homme a laissé son fils qui jouait et qui courait. وبعد قليل et peu de temps après وبعد قليل c'est quoi que tu as trouvé toi? طيب تقدم الطفل نحو أبيه et après le temps après l'enfant s'est approché de son père ويده ملتخة بزيت et sa main est souillée d'huile pleine d'huile حمل الرجل طفله وأصدع به ليغسل له يده donc l'homme a pris son enfant et s'est précipité pour aller lui laver la main ولكنه فقد ثوابه cependant il perdit la raison lorsqu'il a vu un serpent bouger et remuer devant lui. Ah, c'est pas forcément que c'était dans le kalimat talia aywa fa'ana thubana la la faqad sawaba fanada al falah al wafiya mirtik ce mot là. فأسرع إليه بعصا. Donc il s'est précipité vers lui avec son bâton. وأهواه على ثوبين فقتله وعاد البشر. والفرح إلى الجميع. Donc il est venu, qu'il a frappé avec son bâton, qu'il l'a tué, et la joie revint pour tous, dans le sens. Le tronc, on l'avait fait, je crois, c'est ça? طيب رابع تخير قصة وقعت بين رجل وصديقه على النحو ما حدث بين الرجل وكلبه الوفي واستعن بالأسئلة الآتية لترتيب طيب أحداث هذه القصة. Là, fait une histoire similaire à celle de l'homme du chat entre un homme et son ami dans l'ordre des questions qui suivent. On avait déjà lu l'énoncé la dernière fois. Tafaddal. Ah ouais. J'ai écrit quoi? Zahaba rajulun wa sadiqahu fil ghaba. Fil ghaba. C'est ghaba ou ghaba? Ghaba. Tu veux quoi, la forêt? Ouais. Ghab. Et tu as fait le rouge. Le rouge. Comment tu dis? Rouge, c'est rouge. Tu veux dire quoi? Je voulais dire les... C'est les plantes là. Mais quelles plantes? Tu sais, tu me dessines là, je crois que c'est rouge. Rouge, rouge. Je ne connais pas. Non, non, rouge, rouge. En fait, t'en y en a marre à des fois. Ah non, tiens, rouge. Vas-y, un peu de ta rave. Watarakahu. وفي هذه الوقت وفي في هذه الوقت هذا وقت مذكر وفي هذا الوقت بعث سويزة بعث الرجل كلبه إلى الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس الفترس وبعض الوقت لقي الكلب الصديق الرجل صديق الرجل أعد وبعض الوقت بعد وقت بعد وقت après un temps tu veux dire لقي الكلب الصديق الرجل لا نعم صديق الرجل نعم وأبصر لا on parle du الرجل وأبصر الكلب ملطخ ملطخا في الدم وأبصر إيش؟ وأبصر الفم فم الكلب فم الكلب طيب ملطخا بالدم فقد فيفقد الصواب ففقد صوابه ويهوي رأس الكلب بالحجر لا فأهوى على رأس الكلب بحجر فأهوى نعم فأهوى على رأس الكلب بحجر بحجر ثم رجع له إلى رجل إلى إلى صديقه رجع الرجل الصديق إلى رجع الرجل لصديقه أيوة وما وجد صديقه وما وجد صديقه أثر وجرح ما فهمت en fait par rapport à la قصة c'est qu'il pensait que le chien il avait attaqué son maître ما فهمت et en fait il attaquait les arnabes et donc voyant la bouche c'est la fin là ce que tu veux dire j'ai pas compris وما وجد صديقه il a pas vu وما وجد على ال على الوجه صديقه أثر. وما وجد على على الوجه أو على الجسم. لا كيف تفعل في ولا بتجمع دمية ضايع. على جسمي على جسمي. جسمي من؟ صاحبه. أجله؟ تلدي؟ على صديقه. أيوه. أثر وجرح. أثرا وجرح وجرح. Trouve aucune trace de blessure de marque, tu veux dire? Ouais. وظهر الخطأ وندم وعفى وعفى الرجلون صديقه. Vas-y, répète-la en français l'histoire. Donc, ces deux c'est un homme et son ami, ils sont partis dans la forêt. Donc le Sadir, il part chercher des herbes. Et pendant ce temps-là, le Rajoul, il est parti lâcher son chien sur des Arneb, c'est lapin. Et donc après un temps, le chien du Rajoul, il a rencontré il s'est retrouvé nez à nez avec son copain. Et voyant la bouche du chien. Il s'est retrouvé nez à nez avec qui? Avec le chien. Et voyant la bouche du chien, il s'est dit qu'il avait attaqué son chien. Son ami. Son ami. Et donc il a perdu la raison et il a frappé le chien avec une pierre. Thomas, il est revenu auprès de son ami. Et voyant qu'il n'y avait pas de traces, de marques de blessure du propriétaire du chien, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Et il a regretté. Et il a demandé pardon à son ami. Ah, enfin, ça, toi, t'as pas dit ça. Toi, t'as dit que son ami lui a pardonné. Ah, non. Il a dit qu'il a demandé pardon. Ouais. Enfin, t'as là-bas, mais nous, là, fou. Il n'est pas très fait de fuite, hein, cet ami. Hein. Il part à la chasse, enfin à la forêt que son ami avec son chien de chasse, il voit du sang et tout de suite il a mangé son ami, ça veut dire. C'est pas dit que. Utilise les mots suivants dans les phrases de ton imagination. Nadim al-Kafir yawm al-Qiyamah. Tarjim. Que le Kafir va regretter le jour dernier. Jour du jugement. Tamam, Barda. Samit. دخل الرجل صامتا حازنا. L'homme est rentré discrètement triste. Pas discrètement, silencieux. نعم. أمام المظاهرة ذهل الرجل. Donc devant une manifestation, l'homme s'est perturbé. C'est une masse, c'est de la foule. Hein? C'est la foule. Ah. Donc l'homme. Ma hukm al-muzahara? Le sahab? C'est haram. Limada? أن هذا حكم الجاهلية وتشوه الكفار. أيوة. ممزق. هو. Comment tu dis? Je crois que je me suis trompé dans la phrase. ممزق c'est pas un verbe. C'est اسم مفعول. الوزن مفعل ممزق الكلب الأرنب ما هو المطلوب إذا كنت تجيز الاسم مفعول يبقى الفعل الباز عنده فم ومزق لا مزق سم شيء كان في النص مثلا انه وجد الرجل في بيته ثعبانا ممزقا مثلا افترس افترس الكلب السارق افترس الكلب السارق نعم ترجم Le chien s'est jeté sur le voleur. Zat yomin. ذات يوم جاءت قصة طيبة. ترجم. Un jour est venue une bonne nouvelle. تقدم نحوه. Répète. Un jour est venu quoi? Hein? Un jour est venu quoi? Une bonne nouvelle. Et t'as dit quoi en arabe? Qu'est-ce ah, une qu'est-ce que c'est une bonne histoire. Ah. تقدم نحوه ونحوه ديريجي فير هو تقدم العطشان نحو البئر ترجم La soif s'est avancée près du puits. Yuhui Rajulu Fasa. Ala Rasul Kal. Yuhui. Ala Rasul Kal. Khata'un. Al-Muallimu Yuslihu Al-Khata. طيب التدريب السابع ستيمون استخدم ما بين قوسين في تكوين جمل من انشائك utilise entre parenthèses pour former une phrase de toi-même عندنا فرحة عندما ذهل حينما وإذا أخطأ ندم فرح الولد عندما يسافر لا فرح الولد إذا سافر فلا تمنع من الماضي يبقى تمام مضارع إذا سافر parce que عندما c'est au même moment au moment de ah c'est pas lorsque si c'est lorsque aussi mais c'est au moment simultané donc ça me utilise فرح فرح عندما سافر الولد بل فرح عندما يسافر الولد مثلا وعفوا عندما سافر الولد سافر الولد وفي الطريق ذهل أبوه حينما ضرب شيء في الطريق ouais, mais là le problème c'est que tu as triché car tu as ajouté un mot oui, il veut que tu utilises qu'il y a entre deux parenthèses entre parenthèses donc si tu rajoutes c'est avant ou après mais pas entre les deux mots Tu as dit Zuhila Abouhu Hinama. Il n'y a pas Abouhu là, entre parenthèses. Non. Ah, c'est à toi d'être malin et de le placer. Sans changer ce qui est entre parenthèses. Ah, t'as Tu n'avais pas au début, tu as dit Fadi Halwaladou. Tu as dit Abouhu Zuhil. Tu mets en Jumla Ismiya, tu mets en Mutada. فهمت؟ Donc on veut dire pareil pour l'autre. Al-waladu faliha indama safar. Comme ça tu restes fidèle parce qu'il y a entre les parenthèses. ورفع صوته بكلام ظن أن ضرب حيوان ثم شهد أنه ضرب حجر إذا أخطأ ندم كلامه على كلامي على كلامي نعم طيب فبهذا اليوم نكتفي بهذا. في شيء معك؟ سؤال؟ تمام؟ الحمد لله رب العالمين. مع تحية دماج افاف.com